ok. RIFA 8900 mon pote. Ça vient de sens. Écoute, RIFA, je débarque et là je m'arrache dans l'antipode. Dans le rap, j'affaire du nettoyage comme un renard dans un nid de poule. Sur la prod, il faut du flow, on s'en fout de ta corpulence. Parmi toute la concurrence, y'a trop d'MC encore puant. J'amorce l'inspi à la résine et quand je paierai, l'état enseigne. Depuis quand l'état enseigne, j'emmerde l'état et ses consignes. Le rap et moi, on est soudés comme des liens entre père et fils. Plongé dans le vice, on va que par le bénéfice. Par le bif, je suis attiré, je veux pas voir ma vie gâchée. Faut pas hésiter à tirer quand t'as un doigt sur la gâchette. Mon stylo un Beretta et ma feuille est pris pour cible. Tous les jours, ça grave, donc sur un beat tout est possible. Entre ma vie et mon rap, y'a que du copier-coller, ouais. Pas coupé décalé, non. Que des couplets carrés, ouais. Gros y'a pas qu'à Paris, que dans le rap y'a du gabarit. Du micro j'ai un macaparé, représenter les gars de ma rue. Si si mon pote, RIFA 8900, 200 s'arrête pas là ce cousin. T'inquiète on est là frère, 8900.